pourtant c'est la plus belle chose qui puisse arriver dans une vie. J'ai senti mon cœur exploser à la naissance de notre fille. Mais ma joie fut de courte durée, quand peu de temps après tu es parti. Et je me sens désarmé quand notre petite me dit: papa, je voudrais un poney qui vole pour rejoindre maman qui est tout là-haut. Apprendre à te connaître, toi la personne qui l'a fait naître, parce qu'elle saurait te reconnaître, car elle m'a demandé une photo de toi pour mettre au-dessus de son lit, et elle l'embrasse avant chaque nuit. Notre petite est vraiment la plus jolie, mais je ne sais quoi faire quand elle me dit: ses premiers pas qu'elle a fait avant l'âge, et ses sourires sur son visage, elle te ressemble et c'est un bon présage. Ne t'inquiète vraiment pas, je lui donne autant d'amour que tu me manques. C'est peut-être bête, je ne sais pas, mais je fonds en larmes chaque fois qu'elle me demande.